إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdoulillah, on va continuer ensemble l'explication de qu'est-ce qu'on a lu hier au sujet de l'explication du tawhid et l'avertissement contre le shirk. Donc comme on a dit, on va continuer inchallah l'explication au sujet de qu'est-ce qu'on a commencé à expliquer hier au sujet du shirk et au sujet du tawhid. On a expliqué les trois catégories de tawhid qui ont rapport à, yani, avec les bases, la base de l'islam qu'on a expliqué hier, hein, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma'i wa sifat. Ces trois catégories de tawhid là, chaque musulman il doit les connaître. Chaque musulman il doit les connaître et les comprendre et savoir les preuves qui sont reliées à ces différentes catégories là et savoir également qu'est-ce qui est opposé au tawhid, c'est-à-dire le shirk, et comprendre qu'est-ce que ça signifie et le danger du shirk et les explications de qu'est-ce que ça signifie et yani, les versets qui sont reliés à ces explications là. Et yani, quand on réfléchit à tout ça, on voit que c'est là-dessus que tous les messagers d'Allah alayhim salatu wa salam, ils se sont tous concentrés sur cette da'wah et sur ce message-là en premier. Et yani, on réfléchit à ça et on regarde une des ayats qui sont mentionnées dans surat al-Muzzammil. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans cette surah, « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » On va mettre sur toi une parole qui est lourde. Hein. Et yani, cette parole de tawhid, cette parole de la ilaha illallah et cette da'wah, lorsqu'on l'a compris réellement dans tout ce qu'elle implique, dans tout ce qu'elle comprend, et lorsqu'on voit réellement quand on l'applique et qu'on appelle à cette parole, qu'est-ce que ça signifie, on réalise réellement à quel point cette parole-là, elle est lourde. Hein. Et bien entendu, on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à nous aider à supporter le poids de cette parole et de nous aider également à augmenter notre connaissance et notre compréhension et notre pratique de tout ce que ça peut impliquer dans notre vie. Donc le shaykh il commence, on va lire maintenant en ce qui concerne le shirk, il dit bayan ou shirk, le shirk ou dit du tawhid. فإذا كان معنى التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة فالشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله والشرك أعظم الذنوب والشرك أعظم الذنوب لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه مع أنه كتب على نفسه الرحمة أما غيره من الذنوب فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء غفر له كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc comme on a expliqué hier avant de commencer dans l'introduction, on expliquait que quelqu'un peut faire la salat, quelqu'un peut faire le hajj, quelqu'un peut faire le ramadan, quelqu'un peut faire tous les aspects de l'islam extérieur et montrer toutes les apparences de qu'est-ce qui a rapport avec les obligations de l'islam. Mais s'il n'a pas compris et appliqué le tawhid, tout ce qu'il fait n'a aucune valeur. Eh bien, on peut dire la même chose par rapport au shirk, que peu importe qu'est-ce qu'un musulman fait comme pratique religieuse qui a rapport avec l'islam, que ce soit les pratiques intérieures ou extérieures, s'il ne s'est pas écarté du shirk, toutes ses adorations, toutes ses actions, ses bonnes œuvres n'ont aucune valeur. Et donc ça nous montre le danger du shirk. Et le shirk, c'est le contraire du tawhid. Le shirk, c'est le contraire du tawhid. Donc si on a dit au sujet du tawhid que c'est de faire que notre adoration soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et de lui vouer un culte exclusif et de l'adorer lui seul, donc le shirk c'est le contraire de ça. C'est-à-dire d'offrir quelque chose de l'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration. Et peu importe l'adoration. Hein. Donc on sait que l'adoration, comme les ulama l'ont expliqué, c'est toute parole ou action qui est faite, allez, une action ou une parole qui est faite extérieurement ou intérieurement. C'est-à-dire les actions qu'on peut faire avec notre corps, ou bien les actions qui sont faites avec notre cœur. Comme par exemple, al-mahabba, wa al-khawf, al-khashya, al-raja, al-tawakkul, al-inaba. Toutes ces exemples sont des formes d'adoration qu'on fait avec le cœur. Hein? La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça sont des exemples d'adoration. Et si on offre ces exemples d'adoration-là à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on commet une forme de shirk. De la même façon que quelqu'un, s'il fait un dua à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis une forme de shirk. Ou quelqu'un qui fait le sujoud à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il commet un acte de shirk. Ou quelqu'un qui fait un recours devant autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien quelqu'un qui, par exemple, supposons qu'il fait le tawaf autour de quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné qu'on fasse le tawaf autour de cette chose-là. Comme par exemple, il a légiféré qu'on fasse le tawaf autour de la Kaaba. Ça, c'est une ibadah. Mais de faire le tawaf autour d'autre chose que la Kaaba, ça devient une bid'a, et en même temps, ça, c'est une forme de shirk, parce que tu offres un acte d'adoration à autre chose que ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire. Hein? Et ceux qui, par exemple, font le tawaf autour d'une tombe, eh bien, ils font ça pour vénérer la tombe, pour lui montrer un respect à cette tombe. Et en faisant ça, ils adorent la tombe. Ok? Et donc, ça, c'est un exemple, et c'est différents exemples, et c'est pour faire comprendre que le shirk, en premier, c'est pas nécessaire que ça soit extériorisé. Tu peux faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur sans même que personne ne puisse le voir. Si par exemple tu aimes quelqu'un ou quelque chose plus que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu as fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour. Comme les gens par exemple qui aiment Isa alayhi salam comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont commis le shirk dans l'amour avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou ceux qui aiment leurs idoles plus que Allah subhanahu wa ta'ala. Des exemples aussi de crainte, ceux qui craignent leurs idoles et qui ont peur de leurs idoles, ou qui ont peur des saints et des morts, et qui croient que si par exemple quelqu'un interdit de les adorer ou de les invoquer, il va lui arriver quelque chose de mal et que quelque chose va l'atteindre. Ou si quelqu'un par exemple qui croit que s'il critique la croix et qu'il parle contre la croix que les chrétiens adorent, il va lui arriver un malheur parce que il y a quelque chose qui va le toucher. Hein. Ou que si tu critiques l'idole des mouchriquins, il va t'arriver quelque chose de mal, les idoles vont se venger. Tu crains ces choses-là, alors tu as fait une forme de shirk, parce que tu as craint quelque chose qui n'a aucun pouvoir. Et cette crainte-là ne peut être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est pas bien entendu quelqu'un qui sort dehors, il voit un homme qui vient avec un couteau sur lui et il a peur. Ça c'est pas une forme de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça c'est une crainte qui est naturelle. Le fait que quelqu'un aime son père ou sa mère, ça c'est des formes de shirk. C'est pas des formes de shirk parce que ça c'est quelque chose qui est naturel, c'est un amour qui est naturel. Mais quelqu'un qui aime une idole ou qui aime un être humain, qui l'aime comme Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui craint une créature morte ou une chose inerte comme on craint Allah subhanahu wa ta'ala, ou quelqu'un qui craint quelque chose qu'on voit pas, qui craint les djinns, ça peut rentrer dans le shirk aussi. Le seul qu'on doit craindre sans le voir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour faire comprendre que toute forme d'adoration que tu offres à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient une forme de shirk. Que ce soit quelque chose d'extérieur, que tu peux voir comme une prosternation devant une idole, ou des choses de ce genre, ou bien que ce soit une forme de shirk, ou une forme d'adoration que tu offres à autre que Allah dans ton cœur. Tu mets ta confiance, par exemple. Tatawakkal ala ghayrillah. Tu mets ta confiance en autre que Allah. Comme tu mets ta confiance en un porte-bonheur. Tu dis, ah, si j'ai ce porte-bonheur-là sur moi, il va rien m'arriver. Rien qui va me toucher de mal. Ça, c'est une forme de shirk. Une forme de shirk. Parce que tu penses que cette pièce de métal ou ce morceau que tu tiens sur toi, il a un pouvoir d'éloigner le mal ou de ramener un bien sur toi. Donc ça, c'est une forme de shirk avec Allah. Donc c'est pas nécessaire que ce soit une action ou un geste que tu fasses, nécessairement. Ça peut être quelque chose juste dans ton cœur que personne ne peut voir. Donc la définition du shirk, c'est ça. D'offrir à autre que Allah une forme quelconque de ibad, une forme quelconque d'adoration. Et le cheikh, il dit que le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés. C'est plus grand, comme on a dit hier, c'est plus grand que le meurtre, c'est plus grand que le vol, c'est plus grand que le zina, c'est plus grand que yani, tous les autres péchés que les êtres humains peuvent faire. Hein? Et donc, pourquoi on dit que c'est le plus grand péché, le plus grave d'entre eux? La preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il ne va pas le pardonner. Et c'est le seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner. Si quelqu'un meurt sans s'en être repenti, il ne sera pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala d'aucune façon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le Coran, dans le verset 48, dans Surat al-Nisa, et le verset 116. Dans Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui et qu'on associe avec lui quelque chose dans l'adoration. Mais en dehors du shirk, il peut pardonner tout autre péché à qui il veut. Et donc le shaykh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété pour lui-même qu'il a la miséricorde, qu'il est miséricordieux. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Hein? C'est clair que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-ghafur rahim, hein, et que sa miséricorde, elle est sans limite. Malgré ça, il ne pardonne pas le shirk, hein. Et donc, ça nous montre la gravité, et le sérieux et le danger du shirk. Et, celui qui fait un autre péché, supposons que quelqu'un qui est sur le tawhid, qui est musulman, qui croit en l'islam, alaykum salam wa rahmatullah, mais, qui fait des péchés, des grands péchés parmi les kabaïrs, et qu'il meurt en ayant commis ces grands péchés-là, et il ne s'est pas repenti de ces grands péchés-là avant de mourir. Sauf qu'il n'a pas commis le shirk. Il n'a pas commis le shirk majeur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va lui pardonner. Et si Allah veut, il va le punir dans l'enfer, et il va rester en enfer pendant un certain temps, mais il ne va pas rester éternellement en enfer. Après un certain temps, il va sortir de l'enfer, il va rentrer au paradis. Parce que, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans les hadiths authentiques, il n'y a personne qui a une graine de moutarde de foi qui va rester dans l'enfer. Toute personne qui a le tawhid dans son cœur, qui n'a pas commis de shirk, va sortir de l'enfer. Seulement les mouchriquines et les koufars vont rester éternellement en enfer. Donc si un musulman, hein, il est resté sur le tawhid, il n'a pas commis de shirk, akbar, et il n'a pas commis de kouf majeur, et qu'il meurt sans se repentir d'un péché, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut lui pardonner ses péchés et le faire rentrer au paradis directement par sa miséricorde, à cause de certaines bonnes œuvres qu'il a faites, qui sont venues peut-être effacer ces péchés-là qu'il avait faits, ou bien à cause d'une maladie qu'il a eue, qui est venue expier certains de ses péchés, ou bien d'autres choses de ce genre, hein, ou à cause des hasanats qu'il a fait par la suite peut-être, qui sont venus effacer des péchés qu'il avait faits, Allah peut lui faire miséricorde et le faire rentrer direct au paradis s'il veut. Toutefois, il peut aussi choisir par sa justice de le punir pour ces péchés-là. Mais comme on a dit, la yakhlut finnar, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Le seul qui reste éternellement en enfer, c'est le mushrik ou le kafir. Hein? Et la différence entre le mushrik et le kafir, c'est que le mushrik, c'est celui qui commet un acte de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le kafir, c'est pas nécessairement qu'il a commis un acte de shirk. Peut-être qu'il commet pas de shirk, sauf qu'il renie quelque chose de la religion. Comme par exemple quelqu'un qui dit, moi, je fais la salat, je fais le hajj, je crois en Allah, je fais pas de shirk, mais je crois pas au malaïka. Ou je crois pas en Moussa, alayhi salam, ou en Isa, ou en un parmi les messagers d'Allah. Ou je crois pas en At-Tawrah qui a été révélée à Allah. Ou je rejette une ayah dans le Coran. Ou il dit je crois pas en une lettre dans le Coran. Celui-là il est kafir. Même s'il a cru en tout le reste de l'islam, s'il a rejeté cette partie-là, il est kafir. Hein? S'il dit Qul huwa Allahu ahad, il dit je crois pas en Qul, il est kafir. S'il croit pas en Qaf ou le Coran al-Majid, la lettre Qaf, s'il dit ça, ça fait pas partie du Coran, il est kafir. S'il le nie avec connaissance. Donc c'est pas nécessairement qu'il a commis le shirk, mais il a commis le kufr en rejetant quelque chose qui fait partie de la religion. D'accord? Celui-là, il reste éternellement dans l'enfer. Mais celui qui a pas commis de kufr ou de shirk et qui meurt sur le tawhid, même s'il a commis des grands péchés, il est toujours, comme on a dit, sous la volonté d'Allah. Donc ça nous montre le danger du shirk et ça nous montre l'importance du tawhid. Ça nous montre l'importance du tawhid. Et le cheikh ensuite il dit والشرك يحبط جميع الأعمال كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين والشرك حبوط وسقوط من أو من أوج العز والكرامة إلى حضيض السفول والقلق وعدم الاستقرار والرذيلة قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به ريح في مكان سحيق والشرك مهدر للدم ومبيح للمال كما قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لشيخ الإكسليكي إلزي كل الشرك c'est quelque chose qui vient annuler toutes les actions de quelqu'un. Peu importe les bonnes œuvres qu'il ait fait, qu'il ait pratiqué dans sa vie. Si quelqu'un, après avoir cru en Allah subhanahu wa ta'ala et pratiqué l'islam, après ça il commet du shirk, toutes ses œuvres deviennent vaines. Elles n'ont plus de valeur. Elles deviennent comme de la poussière. Et il mentionne des preuves à ce sujet-là, comme le verset 88 dans Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et s'ils auraient associé, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset qui est précédent, avant le verset 88 dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il énumère une série de messagers de prophètes. Et après avoir énuméré ces différents prophètes et ces différents messagers-là, il dit par la suite, « وَلَوْ أَشْرَكُوا s'ils auraient commis du shirk, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Tout ce qu'ils auraient fait comme bonne action, aurait été vain, aurait été annulé, complètement annulé. Donc ça veut dire que même les messagers d'Allah, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça comme un exemple pour nous. Hein, que si eux, ils commettent le shirk, toutes leurs œuvres seraient vaines. Donc si c'est le cas pour les messagers et les prophètes, alayhi salatu wassalam, alors que dire des autres d'entre les musulmans qui ne sont pas des messagers et des prophètes, s'ils commettent le shirk, c'est encore pire pour eux. Et il mentionne le verset 65 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse directement au messager, directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah il lui dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ on a révélé sur toi وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ et ceux qui étaient là avant toi لَإِنْ أَشْرَكْتَ si tu commets le shirk لا يحبطن عملك il aurait rendu tes œuvres vaines ولا تكونن من الخاسرين et tu aurais été parmi les perdants Donc ça veut dire que même le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'il commettait le shirk, et ça c'est une chose qui est impossible, bien entendu, puisque c'est un messager d'Allah et qu'il est ma'soum, il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais même si ça lui arrivait à lui, tout ce qu'il aurait fait comme action aurait été vain, n'aurait aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour nous faire comprendre que tout ce qui a rapport avec cette religion-là se base et commence sur la aqida et sur le tawhid. Et c'est ça le plus important dans l'islam. C'est pas les pratiques religieuses et les autres choses qui sont les bases. La base c'est la aqida. Et si les actions qu'on fait et les pratiques religieuses qu'on pratique ne sont pas établies sur une bonne croyance et une bonne compréhension du tawhid, elles n'auront aucune valeur. Elles seront vaines. Et c'est pour ça que parfois vous avez des gens qui remarquent de la part des kuffars, par exemple, des chrétiens ou des juifs, ou des athées même, qui font des bonnes œuvres, des œuvres humanitaires, des choses de ce genre, ils disent « Ah, oh, regardez ces gens-là, comment ils font des bonnes choses, comment ils sont en train d'aider, etc. etc. » Eh bien, ces gens-là n'auront aucune récompense dans l'au-delà pour qu'est-ce qu'ils font de bien. C'est ça le malheur. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner quelque chose de bien dans cette dunya pour le bien qu'ils ont fait. Hein? Mais dans l'akhirah, ils n'auront rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Tout ce qu'ils ont fait comme bonne œuvre au jour de la résurrection va devenir comme de la poussière éparpillée. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ. Et dans un autre verset أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ. Leurs actions, c'est comme un mirage. Leurs actions, c'est comme de la poussière, de la cendre, éparpillée par le vent. Hein? Ils n'auront aucune, ils ne profiteront de rien de ce qu'ils ont œuvré dans cette vie. Et l'exemple du mirage, c'est grave. Quelqu'un qui est dans le désert, qui voit de l'eau à une distance, et puis qui marche, qui s'épuise sous le soleil, avec la chaleur, hein? Il fait des efforts pour arriver à son objectif, et une fois qu'il arrive là-bas, il trouve rien. Du sable, hein? Et bien c'est ça la réalité des mouchriquins dans cette ville ici-bas. Ils font beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour faire du bien, puis quand ils vont arriver au jour de la résurrection, ils ne vont rien trouver de ce qu'ils ont fait de bien dans cette vie. Et ça c'est grave, et ça c'est dangereux. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre l'importance de faire nos œuvres et de les établir sur une bonne aqida, et sur une bonne compréhension du tawhid, et une bonne compréhension de la foi en islam. Et non pas juste de regarder les actions à l'extérieur et de dire « Ah, ça, c'est des gens qui font quelque chose, qui font du bien. » Donc, il y a l'exemple de ça, des gens qui font des actions humanitaires et des choses de bien dans cette vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Man kana yuridu al-ajila fa'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. » Ceux qui veulent la vie d'ici-bas, on va leur précipiter la récompense pour qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette vie d'ici-bas. Et ils ne seront pas lésés. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ. Ils n'ont fait les œuvres qu'ils font que pour la vie d'ici-bas. Ils n'auront pas de récompense dans l'au-delà pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Et donc c'est ça l'important, pas juste de regarder les actions, mais de regarder pour qui elles ont été faites, ces actions-là. Est-ce qu'elles ont été faites pour Allah ou non? Et est-ce qu'elles sont faites avec sincérité ou non? Sinon, elles n'ont pas de valeur. Et le cheikh, il dit donc par la suite que, il dit le shirk, c'est quelque chose qui rabaisse les hommes et qui les font tomber de l'endroit d'honneur et de noblesse et qui les rabaisse aux endroits les plus rabaissés et les plus humiliants de la yani, de la faiblesse et de la bassesse. Et il mentionne le verset 31 dans Sourate Al-Hajj à ce sujet-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il compare ceux qui commettent le shirk à quelque chose ou une personne qui tombe du ciel. Okay? Puis en tombant du ciel, il se fait frapper et arracher par les oiseaux qui se l'arrachent. Hein? et qui se, ou bien quelque chose, une personne qui se fait souffler dans, par un vent très fort vers, yani, vers une fosse ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour dire que ça, c'est l'exemple du mouchrik. C'est l'exemple du mouchrik. Et ce verset-là, il a été expliqué dans le tafsir par les ulama d'une manière vraiment imagée. Et si vous retournez au tafsir d'Ibn Kathir ou des autres ulama, Ibn Qayyim al-Jawziyya par exemple, il vous donne des exemples et des explications de ce verset-là qui sont vraiment intéressantes. Après, le cheikh dit « Wa shirku muhdarun lil-dam wa mubihun lil-mal ». Le shirk, c'est quelque chose qui rend le sang licite et qui rend les biens également licites. Et ça, c'est écrit dans le Coran. Et il mentionne le verset 5 dans Surah At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et lorsque les mois sacrés seront terminés, seront finis, alors combattez les mouchriquins là où vous les trouvez, et prenez-les et assiégez-les et guettez-les dans tous les guet-apens et yani, soyez aux aguets à leur sujet. » Donc ça c'est l'ordre de combattre les mouchriquins. Au début on sait que le djihad il a été révélé par degré, par ordre. Au tout début le djihad était interdit. C'était interdit aux musulmans de combattre et même de se défendre, ils n'avaient pas le droit. Parce qu'ils étaient faibles et toute attaque ou agression de la part des musulmans contre les mouchriquins aurait eu des conséquences vraiment graves et dangereuses, puisque les mouchriquins auraient pu se venger contre les musulmans et les exterminer jusqu'au dernier. Et c'est pour ça que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans, lorsqu'ils sont dans une situation de faiblesse, de combattre les ennemis. Puisque s'ils combattent les ennemis dans une situation de faiblesse, ça va ramener un mal plus grand que le bien qu'ils veulent. Et donc, ça c'est une règle générale. Même aujourd'hui à notre époque, si les musulmans ne sont pas en capacité de combattre les ennemis, soit sur le plan militaire, le plan du nombre ou autre raison, ils n'ont pas le droit de combattre dans des situations pareilles. Et ça revient aux dirigeants des musulmans d'analyser la situation et de juger. Quand est-ce qu'il est bon de combattre, quand est-ce qu'il est bon de ne pas combattre, quand est-ce qu'il décide de combattre ou non. Ça, c'est le chef de l'armée et les dirigeants musulmans dans les pays musulmans qui décident de ça. Et il y en a parfois aujourd'hui qui ont de la difficulté à comprendre ça, parmi les groupes islamistes et les d'autres tendances qui suivent autre que la voie des salafs salih. Eux, ils s'imaginent que de montrer la force et le courage, d'appeler au djihad, même quand on est faible, que ça, c'est le courage et la force. Hein? Et ils ne prennent pas en considération les causes et les moyens de la dunya qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi sur la terre. Donc si on est faible, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là, il nous a excusés dans une situation pareille et on n'a pas à combattre. Et le fait de combattre dans la faiblesse, c'est quelque chose qui va nous amener plus de mal et on a vu la preuve dernièrement dans des événements qui se sont passés dans certaines régions du monde musulman où certains ont essayé d'agresser ou d'attaquer des ennemis et ils se sont fait par la suite écrasé et massacré par la suite, et ça a fait beaucoup de tort aux musulmans. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et donc ça c'est la première étape. Ensuite, par la suite, les musulmans ont eu le droit de se défendre lorsqu'ils étaient agressés de la part des kuffars, de se défendre. Puis par la suite, il y a eu un autre ordre, une autre révélation par la suite qui est venue pour dire que vous pouvez combattre ceux qui vous combattent et vous pouvez par la suite aussi combattre ceux qui sont près de vous parmi les kuffars. Qatilul ladina yalunakum min al kuffar wal yajidu fikum ghilza, et qu'ils trouvent en vous de la dureté. Combattez ceux qui sont près de vous parmi les kuffars et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Puis par la suite, il y a eu la dernière révélation au sujet du djihad qui disait wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, et combattez tous les mushrikeens sans exception, comme eux, ils vous combattent sans exception. Puis par la suite, bien entendu, il y a les situations où les musulmans prennent des ententes de paix avec les mushrikines lorsque c'est nécessaire, et ils font des pactes et des ententes politiques, diplomatiques ou autres avec les kuffars et les mushrikines. Et il y a les règles de la jizya et les règles de al-hudna. Tout ça c'est expliqué dans les chapitres de fiqh, dans Kitab al-Jihad et les autres choses de ce genre. Tout ça, c'est expliqué dans Ahkam, Asiyas, Al-Shar'iyya, et toutes ces choses-là sont clarifiées dans l'islam. c'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose qui est apparu aujourd'hui au XXe siècle, c'est quelque chose qui existe dans l'islam et dans les livres de fiqh, dans le Coran et dans la Sunna depuis plus de 1400 ans. Hein. Ça, ça existe et c'est pas quelque chose dont on doit être, dont on doit avoir honte et dont on doit être gêné. Ça, c'est quelque chose qui est connu dans l'islam, qui fait partie de l'islam et dont on doit au contraire être fier. Parce que notre religion est une religion complète et parfaite, envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala pour être la dernière révélation jusqu'à la fin des temps. Et même dans l'Ancien Testament, on trouvait, dans la Bible, on trouve des règles et des explications au sujet de ces choses-là. Même les juifs et les chrétiens qui essaient de critiquer les musulmans par rapport à ces choses-là, si on regarde dans leurs livres à eux, on va trouver des choses que eux, si on leur montre ces choses-là, ils vont se cacher le visage. Alors que nous, dans notre livre, on n'a que la justice et les règles claires et justes d'Allah qui sont révélées pour les croyants dans le Coran. D'accord? Et c'est important pour les musulmans de les connaître et de bien les comprendre et de ne pas prendre l'attitude apologétique de certains qui disent « Oh non, le djihad c'est juste pour la défense » ou bien « Oh non, le djihad c'est de combattre juste contre l'injustice » ou des choses de ce genre. Non, il ne faut pas déformer la réalité des choses, il ne faut pas mentir et cacher la réalité des choses, il faut la dire telle qu'elle est, mais en même temps il faut l'expliquer comme elle est et répondre à ceux qui ont dévié au sujet du djihad aussi, qui disent par exemple que le djihad c'est les attentats terroristes, ou que c'est de tuer les innocents, ou de faire des meurtres, ou des choses kamikazes, des choses comme ça. Tout ça, c'est des déviations et des déformations de la réalité de l'islam et de la réalité du djihad. Et des choses qui se sont passées, par exemple, dans certains pays musulmans, pendant les années 90, comme en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, et les tueries. Hein, il y en a qui disaient que ça c'était le djihad, et les ulama, alhamdoulilah, ils ont réfuté ces gens-là, et ils ont clarifié les choses à ce sujet-là, ils ont expliqué que non, c'est pas comme ça le djihad, et que le djihad il doit être fait derrière un dirigeant, hein, musulman, et que ça doit être fait selon les règles de la charia, et non pas de n'importe quelle façon. Bon, en tout cas, ça c'est d'autres choses, mais c'est important de le clarifier, parce que à chaque fois qu'on mentionne le mot djihad, tout de suite il y a comme les lumière qui s'allume et les gens commencent à avoir peur. Il y en a qui ont peur parmi les musulmans qu'on mentionne même le mot djihad. Donc c'est important de comprendre qu'un mouchrik ou un kafir, s'il fait partie des mu'ahadoun, s'il y a une entente de paix entre eux et nous, son sang il est protégé. Le mouchrik que son sang il est licite, c'est le mouchrik qui entre son pays et le pays des musulmans, il n'y a pas d'entente de paix, qu'il y a la guerre qui est déclarée, qu'il y a le djihad qui est déclaré. Dans ce cas-là, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'entente de paix, donc son sang, il est licite. Et on doit, bien entendu, leur faire la da'wah à l'islam, puis s'ils refusent l'islam, eh bien là, ils seront combattus jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam ou qu'ils paient la jizya, comme c'est mentionné dans les hadiths et dans les versets du Coran. Ok, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. J'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et il mentionne dans un autre hadith aussi qui est rapporté par l'imam Ahmed, bu'istu bis-sayf hatta yu'badullah wahda. J'ai été envoyé avec l'épée jusqu'à ce que Allah soit adoré lui seul. Donc le message de l'islam, c'est un message qui a été supporté par la preuve du Coran, et non seulement par la preuve du Coran, mais par la suite supporté aussi par la force, par l'épée. Et c'est pour réfuter en même temps à ceux qui disent que l'islam a été propagé par l'épée. L'islam, quand on regarde la da'wah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on voit que pendant 13 ans il était à Mecca, est-ce qu'il a utilisé l'épée? Il n'a pas utilisé l'épée. Il a utilisé la preuve et les arguments et les explications et la clarification, hein, pour montrer aux mouchriquins que ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est intérêt, c'est bâtil. Et par la suite, quand il est allé à Médine et que le nombre des croyants a augmenté, qu'il avait la force, là par la suite, il a supporté cette preuve qu'il avait d'Allah, dans la révélation, par l'épée, pour confirmer encore plus. Et ceux qui ne sont pas capables ceux parfois qui refusent la vérité, non pas parce qu'ils savent que, non pas parce qu'ils ne veulent pas la suivre, mais par faiblesse, ou bien parfois il y a des obstacles qui sont placés devant eux, qui les empêchent de l'accepter, eh bien, avec cette épée-là, on est capable de les éliminer, d'éliminer ces barrières et ces obstacles, pour que ceux qui veulent se soumettre à Allah ne soient plus empêchés de le faire à cause de ces obstacles qui sont établis par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est à ce sujet-là. Et donc, alhamdoulilah, vous n'avez pas à craindre à ce sujet-là, parce que les kuffars, de toute façon, ils connaissent ces choses-là sur l'islam mieux que la plupart des musulmans. C'est-à-dire ceux qui sont spécialisés dans l'étude de l'islam parmi les kuffars, ils ont ça dans leurs universités, dans leurs librairies, dans leurs centres. Ils ont étudié ces choses-là depuis bien longtemps et ils le savent très très bien. Et il y en a parmi eux qui lisent l'arabe, qui connaissent le Coran et les hadiths et qui savent toutes ces choses-là, même si certains musulmans pensent qu'ils ne sont pas au courant, ils le savent. Et ce n'est pas un secret, n'importe quel d'entre eux peut lire ça dans le Coran, il va le trouver. C'est écrit, les versets sont clairs. Donc, alhamdoulilah, on n'a pas à s'en cacher. Et le cheikh il dit, وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى الْمُشْرِكِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالْخُلُودِ فِي النَّارِ كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Le cheikh il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le paradis aux mushriks. Et il a jugé et décrété à son sujet qu'il sera éternellement dans l'enfer, comme on l'a dit tout à l'heure. Et il mentionne le verset 72 dans Surat Al-Ma'idah à ce sujet-là. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui interdit le paradis. Celui qui fait le shirk, c'est haram pour lui de rentrer au paradis. De ne pas rentrer. Et sa destination, c'est l'enfer. Sa destination, c'est l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Et les injustes, c'est qui? C'est les mushrikoun. Il n'y a pas de plus grand injuste que le mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos du shirk, « Inna shirka la zulmun azim ». Donc la plus grande forme d'injustice, c'est le shirk. Et quand quelqu'un fait le shirk, il est parmi les zalimin. C'est le plus grand injuste. Le shaykh, il dit, « Wa shirku dalalun mubin ». Pourquoi le mushrik, c'est un injuste? Parce que, comme on a expliqué déjà, le droit le plus important à respecter, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un d'entre les êtres humains te manque dans ton droit, tu vas dire à son sujet qu'il est injuste, parce qu'il ne te donne pas ton droit. Donc celui qui ne donne pas le droit qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le droit d'être adoré lui seul, ça c'est pas de l'injustice, ça c'est la pire injustice. Et c'est pour ça que le mushrik, c'est le plus grave injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement à cause de ça, dans le Coran, « Inna shirka la zulmun azim ». C'est la plus grande injustice, c'est le shirk. Et ceux qui font le shirk sont des injustes. Même s'ils prétendent être ceux qui respectent le droit des hommes. C'est faux. Celui qui ne respecte pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne respecte pas le droit des hommes. Et le shaykh, il dit ensuite, « Wa shirku dalalun mubin ». ولذلك يعترف المشركون بضلالهم فيقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وإذا كان الشرك في هذا المستوى من القبح والخطورة فهذا مما يوجب شدة الحذر من الوقوع فيه ويوجب على المسلم أن يعرفه ليجتنبه ويوجب على المسلمين مقاومته والقضاء عليه وقد كانت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدرجة الأولى مقاومة الشرك والنهي عنه والتحذير منه وجهاد المشركين باليد واللسان كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Le cheikh dit que le shirk c'est une forme d'égarement évident. Et c'est pour cette raison-là que les mushrikoun eux-mêmes, au jour de la résurrection, ils vont reconnaître ça. Ils vont dire eux-mêmes, ils vont reconnaître eux-mêmes leur égarement. Comme le verset 97 et 98 dans Surat Ash-Shu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, au sujet des mushrikoun, qu'ils vont dire, par Allah, nous étions dans un égarement évident lorsque nous vous faisions égaux, lorsque nous vous mettions à égalité avec le Seigneur des mondes. C'est-à-dire, les mouchrikoun, ils s'adressent à leurs idoles. Et ils disent à leurs idoles, qui sont avec eux dans l'enfer, nous étions dans l'égarement évident lorsque nous vous mettions à égalité avec Allah, Rabbul Alamin. Donc ça c'est leur eux-mêmes qui reconnaissent leur égarement. Et il dit ensuite, وَإِذَا كَانَ الشِّرْكُ فِي هَذَا الْمُسْتَوَى مِنَ الْقُبْحِ. Il dit, si le shirk est à ce niveau de laideur et de danger, alors dans ce cas-là c'est obligatoire pour nous de faire une grande attention et de prendre nos gardes de ne pas tomber dans quoi que ce soit qui a rapport avec le shirk, de rester loin du shirk et de savoir ce que ça signifie et de savoir les différentes manifestations de shirk pour pas tomber dans le shirk. La première chose que quelqu'un qui a appris au sujet du danger du shirk, lorsqu'il apprend au sujet du shirk et qu'il sait à quel point c'est dangereux, la première chose qu'il devrait faire, c'est de partir dans une librairie et d'acheter un livre sur le tawhid ou un livre sur le shirk qui explique ces choses-là en détail, et d'aller prendre ou enregistrer ou télécharger ou acheter des cours, soit enregistrer des cassettes ou des CD sur le tawhid pour les écouter et pour apprendre en détail qu'est-ce que ça signifie. Comme ça, il va pouvoir se protéger lui-même et sa famille et ses enfants du danger du shirk en priorité, avant de faire attention au danger des péchés parmi les kaba'ir, par exemple. Tout le monde a peur de tomber dans le zina, de tomber dans le vol, dans le crime, dans les choses haram, dans la drogue, dans l'alcool, dans le porc et des choses comme ça. On a tous peur de ça. Mais le shirk, c'est plus dangereux que tout ça encore. Hein? Donc il faut encore faire plus d'efforts pour rester loin de ces choses-là. Et malheureusement, à notre époque aujourd'hui, il y a des musulmans qui suivent d'autres tendances d'égarement et de bid'a et de dalal et qui veulent pas avertir les musulmans contre le shirk parce que parfois on retrouve chez eux des pratiques qui sont des pratiques de shirk. Et ils les protègent et ils les défendent et ils veulent pas cesser de les pratiquer. Hein, c'est pas tout le monde aujourd'hui, à notre époque et même depuis bien longtemps, c'est pas tout le monde qui se dit musulman qui est réellement sur le tawhid. Parfois, il y a des groupes qui sont apparus à travers l'islam, à travers les siècles, qui ont des croyances qu'ils ont mélangées avec des croyances chrétiennes, avec des croyances juives, avec des croyances bouddhistes, avec des croyances hindoues, avec des croyances païennes de d'autres nations. Ils ont mélangé ça avec l'islam. Et ils croient qu'ils sont musulmans et ils se disent musulmans. Alors que ce qu'ils croient et ce qu'ils pratiquent n'a rien à voir avec les fondements du tawhid et les fondements de l'islam. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'apprendre notre tawhid. Le cheikh il dit donc que le musulman il doit apprendre le tawhid pour pouvoir s'en écarter. Et ça incite et ça oblige les musulmans à faire tout leur possible pour, disons, être capable de contrer le shirk et pour être capable de l'éliminer. Et le shirk, il dit, lorsqu'on regarde les messagers d'Allah, c'était ça leur première tâche, leur premier travail, leur première mission, c'était d'enrayer le shirk dans une société. Première chose, quand ils commençaient à faire quoi que ce soit dans une société, ils ne commençaient pas par réformer l'économie, ils ne commençaient pas par réformer la société sur le plan de l'économie ou de la politique. Il commençait premièrement sur la croyance, sur l'aqida. Et puis après, il réglait les autres problèmes de la société. Mais il ne laissait pas la priorité pour passer à des choses secondaires par la suite. C'est inutile de faire ça. Si tu aides à réformer la société sur le plan économique et que les gens continuent à faire le shirk, est-ce que vous pensez qu'au jour de la résurrection, ça va les sauver? Non. Si vous aidez à régler leurs problèmes politiques et qu'ils sont encore dans le shirk, est-ce que ça va régler les choses pour eux au jour de la résurrection? Non, puisqu'ils ont quand même fait le plus grand péché qui est impardonnable. Donc le plus important, avant toute autre chose, hein, c'est d'expliquer et de faire comprendre aux gens la bonne aqida et le tawhid. Puis après, on passe aux autres choses Et si on peut le faire en même temps aussi, des fois, on peut faire une chose et l'autre, mais de faire en sorte que les gens aient bien compris l'importance du tawhid, puis après on passe aux autres piliers de l'islam. La salat, la zakat, le hajj, etc. Mais le shirk, il dit, donc, ils ont combattu, les messagers ont combattu le shirk en premier, et ils ont interdit le shirk, ils ont averti contre le shirk, et ils ont fait le djihad, ils ont lutté contre les mushrikin, avec la main et avec la langue. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, dans Surat al-Nahl, verset 36, et nous avons suscité dans chaque nation un messager, pour dire aux hommes, adorez Allah et écartez-vous du tarot, comme on l'a dit hier. Et si vous regardez même dans les livres des chrétiens et des juifs aujourd'hui, vous avez des exemples de ça, hein, qui sont très très clairs. Et je me souviens, dans certains passages dans l'Ancien Testament, vous voyez des ordres hein, qui sont attribués, même dans le livre qui est aujourd'hui chez les juifs, le livre falsifié qu'ils ont aujourd'hui avec eux, même dans ce livre-là, vous avez encore des traces de tawhid. Vous avez encore des ordres du tawhid. Et il y a des versets où on mentionne que Allah dit à Moïse d'aller par les nations et de détruire leurs idoles et d'éliminer les traces d'idolâtrie qui existent chez eux. Ça, c'est mentionné dans leur livre aussi. Hein? Et si vous retournez à ces choses-là, vous allez voir des choses vraiment claires et parfois même choquantes. Et il y en a parmi les koufas qui critiquent l'islam sur beaucoup de choses, mais ils sont mal pris parce qu'ils sont mal placés pour critiquer l'islam, puisque dans leur livre à eux, il y a la même chose. Hein? Donc, alhamdoulilah, le problème des juifs et des chrétiens, c'est qu'ils savent la vérité, certains d'entre eux, en particulier les juifs, ils savent la vérité, mais ils l'ont contredit intentionnellement et sciemment, c'est-à-dire avec connaissance. Ils savent exactement la réalité de qu'est-ce qui est enseigné dans l'islam, que c'est la vérité. Et quand ils entendent les règles du Coran et les règles de l'islam et les règles de la charia, ils reconnaissent ces règles-là même dans leur propre livre. Mais par jalousie, par jalousie pour les musulmans, pour dire comment ça se fait que c'est eux qui vont suivre ces règles-là, alors que c'est nous le peuple qui a été choisi. Que c'est d'autres qui vont les appliquer et nous on les applique pas. Donc, ils veulent essayer d'éloigner les musulmans du droit chemin pour qu'on abandonne leurs livres pour qu'on soit comme eux. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ils souhaiteraient que vous deveniez mécréants comme eux, ils ont mécru, comme ça vous seriez égaux avec eux dans la mécréance. Donc, ils disent aux musulmans, abandonnez votre religion, abandonnez votre livre. Comme nous on l'a fait, comme ça on va être égaux. C'est ça ce qu'ils veulent des musulmans aujourd'hui. Ils disent aux femmes musulmanes, abandonnez le hijab, abandonnez l'islam, abandonnez la charia, abandonnez ces choses-là. Nous, regardez, on s'est libérés de notre religion maintenant. Faites la même chose que nous. Sauf que la différence entre eux et nous, c'est que leur religion elle est fausse. Et notre religion elle est vraie. Et qu'est-ce qu'il y a de vrai dans leur religion? Il est dans l'islam. Parce que c'est la base de ce qui est envoyé par Allah aux messagers. Et ça, c'est vrai. Mais ils l'ont mélangé avec des choses fausses. Et c'est ça qui a fait qu'il y a plein de contradictions dans leur religion aujourd'hui. Et c'est ça ce qui a amené au fait que par la suite, ils ont rejeté cette religion-là. Le cheikh, il dit ensuite, وَكُلُّ رَسُولٍ يَقُولُ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ لأن الشرك هو أعظم الفساد الذي تصاب به الأمم وهو يناقض الخلق والأمر لا فائدة في جميع الأعمال مع وجود الشرك وهذا يؤكد على جميع أتباع الرسل من الدعاة والمصلحين أن تتجه دعوتهم إلى إصلاحهم إلى مكافحة الشرك وإصلاح العقائد أولا قبل كل شيء أما أن تتجه دعواتهم وإصلاحهم إلى أمور جانبية ويتركون الشرك ويعج في عقائد المسلمين بما يمارس حول الأضرحة وبين أرباب الطرق الصوفية المنحرفة فهذا انحراف بالدعوة عن منهجها الصحيح الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبل، ولن تأتي هذه الدعوات بنتيجة ولا فائدة، لأنها بدأت من حيث النهاية. Donc, le Cheikh, il résume, en fait, qu'est-ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Il explique que tous les messagers ont commencé leur da'wa par le fait de dire « Adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune divinité. Vous n'avez le droit d'adorer rien en dehors de lui. » Dans Surat al-A'raf, on retrouve ce verset-là dans le verset 59, dans le verset 65, dans le verset 73, dans le verset 85. Dans tous ces versets-là, on voit les différents messagers d'Allah qui appellent leur peuple et qui leur disent cette chose-là en premier. Et pourquoi? Parce que le shirk, c'est la plus grande corruption qui peut atteindre les peuples et qui vient en opposition avec la création et le commandement. Et on voit que par exemple, les juifs et les chrétiens qui sont aujourd'hui, qui se prétendent ou qui se disent laïcs, on voit que dans leur livre, le premier commandement, comme on a expliqué ça hier, le premier commandement c'est un seul Dieu tu adoreras. Ça c'est en résumé, il dit ça de cette façon-là. Si on retourne à l'Ancien Testament, qu'est-ce qui est écrit dans les livres de Lévitique et dans Deutéronome, on voit que le passage du premier commandement il est beaucoup plus long. Ça dit hein, que tu n'adoreras rien d'autre que Dieu, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne feras aucune représentation ou image sculptée ou gravée de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Hein. Donc, ça c'était des interdictions et des règles claires. Et ça c'est le premier des commandements chez les juifs et chez les chrétiens. Ils connaissent tous ce premier commandement-là. C'est l'ordre d'Allah du tawhid. C'est le premier de tous les commandements chez les juifs et chez les chrétiens. Et pourtant, quand vous regardez dans leur loi et dans leur système, l'idolâtrie est légale. L'idolâtrie est permise, ouvertement. Et non seulement elle est permise dans le christianisme, elle est légiférée, elle est ordonnée, elle est considérée comme une des parties de la religion, puisqu'ils permettent d'adorer Jésus, d'adorer Marie, d'adorer les croix, d'adorer les saints, d'adorer les images, et ils permettent aux hindous et aux bouddhistes et aux autres croyances d'établir leur idolâtrie au nom de la laïcité, au nom de l'égalité des religions. Est-ce que tu peux mettre à égalité les idoles et Allah subhanahu wa ta'ala? Eux-mêmes, dans leur livre, il y a l'interdiction du shirk, l'interdiction de l'idolâtrie. C'est le plus grand péché même chez eux. Pourquoi ils l'acceptent et pourquoi ils le rendent légal et pourquoi ils le permettent? C'est la plus grande des contradictions qu'on peut trouver dans leur religion. Et s'ils ont permis le shirk et qu'ils l'ont légiféré, qu'ils l'ont rendu légal, quelle autre chose qu'ils ne vont pas rendre légale? S'ils sont capables de rendre le shirk légal, ils sont capables de rendre tout le reste légal. Hein? Et c'est ça ce qu'ils font, et c'est ça la réalité maintenant. Donc le plus dangereux de ce qu'ils ont rendu halal parmi les choses haram, c'est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis que quelqu'un rend halal le shirk, alors il n'y a plus rien qui reste par la suite. Comme les ulama ils disent souvent, la zamba ba'd al-kufr. Après le kufr, il n'y a plus de péché, parce que c'est le plus grand d'entre les péchés. Et c'est ça le malheur de ces juifs et de ces chrétiens-là, comment ils ont dévié. Un juif, il peut passer à côté d'un idolâtre, un bouddhiste, ou un hindou, ou un autre mouchrik. Il le voit en train d'adorer une idole, il ne va pas lui dire un mot. Est-ce que le musulman, il a le droit de faire ça? De passer à côté de quelqu'un qui adore une idole, puis de pas lui dire, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est pas correct. Je trouve pas que c'est absurde de te mettre en prosternation devant une statue. Est-ce que tu peux, toi, en tant que musulman, tu passes à côté d'un mouchrik comme ça, puis tu lui dis rien, tu lui donnes pas le nasiha, tu lui fais pas de da'wah. Si tu le laisses comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Et il y a des musulmans, parfois, ils disent, ah, mais ça, c'est des Chinois, des Asiatiques, des gens d'autres pays, c'est ça leur religion, ils sont comme ça, eux. Non, ça, c'est pas la mentalité qu'on doit avoir, nous, musulmans. Nous les musulmans, notre da'wah, elle est dirigée vers tous les peuples de la terre, toutes les cultures de la terre sans exception. C'est pas parce que quelqu'un vient de l'Asie ou de l'Afrique, il y a des fois des frères, subhanallah, quand je suis allé en Afrique dernièrement, il y a des gens qui m'ont dit, ah, subhanallah, tu es allé en Afrique, est-ce que t'as vu des musulmans là-bas? Est-ce que t'as, comme s'ils pensent que il n'y a pas de musulmans, ou bien que tous les musulmans qui sont là-bas sont tous égarés, et qu'ils sont tous dans des formes de bid'a ou de shirk. Non, il y a beaucoup là-bas de musulmans qui ont étudié l'islam dans des universités islamiques, qui connaissent la da'wa salafia, qui connaissent le Coran, qui connaissent la sunna, qui connaissent le tawhid, hein, et qui combattent les bid'a, hein, selon les moyens qu'ils ont, et selon la capacité qu'ils ont. Si vous allez partout dans le monde, vous allez trouver des musulmans qui sont sur cette même voie, que vous ayez jusqu'en Indonésie, en Malaisie, en Australie, partout où vous allez aller dans le monde, parmi les différentes communautés, parmi les différents peuples, vous allez trouver des gens parmi eux qui sont sur le Coran et sur la Sunna et sur la compréhension des salaf salih. Donc peu importe où vous allez, mais c'est pour dire que c'est pas parce que quelqu'un vient d'une autre communauté ou d'une autre nationalité ou origine culturelle ou ethnique qu'il ne faut pas lui faire la da'wah. Et j'ai vu des frères, par exemple, dans certaines régions, dans certaines villes, il y a une mosquée où il y a des frères qui prient, qui sont sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs. Et pas loin, il y a une autre mosquée et c'est des gens d'une autre communauté ou d'une autre ethnie qui vont se réunir là-bas. Et parmi eux, il y a beaucoup de bédards ou bien des choses qui sont contraires à la Sunna. Et ils disent, ah ben eux, c'est des gens de ce pays-là, donc c'est pas grave. C'est pas grave, on peut les laisser. Ou bien des fois, c'est une mosquée, par exemple, ils disent, ah, eux, c'est des Turcs, eux, ils font comme ça. Et eux, c'est des Africains, ils font comme ça. Eux, c'est des Comoriens, ils font comme ça. Non, c'est, dans l'islam, on a un islam. Et on a un kitab et une sunna, et c'est ça qu'on doit suivre. Peu importe de quel pays, peu importe de notre origine. Et le tawhid, c'est la base de l'islam pour tous les musulmans, pas juste pour une ethnie en particulier. Et donc, il faut avoir cette vision et comprendre que on est une seule umma, on n'est pas différente umam et se diviser en ethnie ou en communauté ou en origine, hein, parce que de tel pays, on est tous des frères. Et notre ukhuwa, notre fraternité, elle est basée sur le tawhid et sur la sunna et sur la compréhension des salaf salih. Donc ça c'est très important de le comprendre. Et comme le cheikh il dit, comme on a dit tout à l'heure aussi, il n'y a aucun intérêt d'essayer de réformer les autres aspects de la vie alors que le shirk est toujours présent. Et donc ça nous confirme le fait que tous les messagers et tous ceux qui ont suivi les messagers parmi les du'ats et les réformateurs, les muslihin, ils ont toujours concentré leur da'wah en premier à le combat et la lutte contre le shirk et la réformation des croyances en premier avant toute chose. Mais de diriger notre da'wah à réformer les autres aspects secondaires de la vie, hein, et d'abandonner ou de laisser le shirk, et de laisser des musulmans qui ont des croyances contraires à l'islam continuer à pratiquer des formes de shirk ou de bid'ah ou des choses contraires à l'islam, comme on voit par exemple autour des tombeaux et des mausolées et des zawaya parfois dans les pays arabes, les pays musulmans, ils ont des endroits qu'on appelle des zawiya où il y a des kebabs, des dômes construits au-dessus de la tombe d'un homme qui est mort, qui était un grand chef dans le passé. Ils vont là-bas chercher la baraka, demander des choses à ces hommes-là qui sont enterrés là-bas, faire des vœux pour ces gens-là, et faire des rituels et des prières, même ils font le hajj parfois, ils pensent que c'est un hajj d'aller dans ces endroits-là à certains moments de l'année. Ça se pratique dans les pays musulmans. Et on fait rien pour combattre ces choses-là. Et on fait rien pour détruire ces constructions-là qui sont construites au-dessus de ces tombes-là, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Ali ibn Abi Talib pour niveler toutes les tombes qui sont au-dessus du niveau de la terre. Il a envoyé Ali ibn Abi Talib dans un hadith authentique, rapporté par Sahih Muslim, il a dit, Ali ibn Abi Talib, il a dit à Abil Hayyaj, il lui a dit, je vais t'envoyer dans une mission que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'avait envoyé accomplir à son époque, et il m'avait dit, toute tombe que tu trouves, qui est surlevée, qui est construite comme une construction au-dessus de la terre, alors tu dois la niveler. et toute image ou statue, tu dois la détruire. أن لا تدع قبرا مشرفا إلا إلا صويته ولا ولا تمثالا إلا طمسته. Donc dans ce hadith, il dit le prophète sallam, si tu trouves un tombeau, quelque chose qui est construit comme surlevé, qui est construit, une grosse construction au-dessus d'une tombe, tu dois la niveler. Et il a interdit que quoi que ce soit construit au-dessus d'une tombe. Il a interdit aussi qu'on écrive sur les tombes et qu'on plâtre les tombes ou qu'on mette quoi que ce soit sur les tombes. Tout ça pour éviter qu'il y ait du shirk. Tout ça pour éviter que les musulmans tombent dans le shirk et dans l'exagération au sujet des salihin. Donc ça c'est des exemples à ce sujet-là. Donc tout ça donc pour dire que c'est ça le manhaj de la da'wah et que c'est ça la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a fait sa da'wah, et c'est ça que les messagers d'Allah ont suivi, même avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on va terminer avec ça, inshallah, pour aujourd'hui encore. Et puis, on espère que ça a été bénéfique, inshallah, peut-être on continuera ça demain, ou bien un autre sujet, on verra qu'est-ce qu'on va faire, inshallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته